Déménager est toujours une aventure. L'aventure, c'est de changer d'ambiance, de commerçant, d'habitude, de voisin. Les nouveaux voisins peuvent vous réserver bien des surprises. Marie-Louise Berthollet est satisfaite. Son déménagement s'est bien passé. Elle a réussi à vendre les meubles qui ne pouvaient pas trouver place dans son nouvel appartement. Elle a gardé les tableaux auxquels elle tenait le plus. Son deux pièces est agréable et spacieux. Marie-Louise Berthollet, à ses moments perdus, tire les cartes, sur rendez-vous uniquement. Son appartement donne sur une cour intérieure qui paraît calme à souhait. En bas, des arbres, des fleurs et des oiseaux. Elle caresse Mitsou, sa chatte siamoise, sa seule compagnie depuis que les deux enfants de Marie-Louise ont pris leur vol chacun de leur côté. Alors Mitsou, tu crois que tu vas te plaire ici? On sera bien tous les deux? De l'autre côté de la cour, des fenêtres anonymes, des rideaux. Au bout de quelques mois, Marie-Louise a repéré quelques visages, pour la plupart féminins. Mais le bâtiment d'en face est trop loin pour que cela justifie des saluts, même muets. On frappe à la porte de l'appartement de Marie-Louise. « Oui, qui est là ?»« C'est Madame Dubard, la concierge. » Marie-Louise ouvre sans méfiance. Une aventure étrange entre chez elle en même temps que la concierge. « Voilà, excusez-moi de vous déranger, mais j'ai un message pour vous. »« Un message ? Et de qui donc ? » ?»« De la dame qui habite juste en face de chez vous, dans l'autre bâtiment. »« Ah bon ? Juste en face. »« Je ne vois pas de qui il s'agit. » Marie-Louise va jusqu'à sa fenêtre et soulève le voilage. En face, il y a plusieurs fenêtres. La fenêtre juste au même étage. Là où il y a un store vénitien. Ah oui, Madame Berthollet. Celle-là. Là où il y a un géranium. Il n'a pas bonne mine, le géranium. Bon, eh bien, la dame qui habite là, elle est en train de mourir. Et elle voudrait vous voir. Pauvre femme. Mais me voir, pourquoi donc? Est-ce que je l'ai jamais vue? Vous a-t-elle dit ce qu'elle me veut? Pas vraiment. Vous savez, je ne la connais pas trop, mais avec sa concierge, nous nous relayons pour l'aider, lui faire ses courses, son ménage. Elle ne va pas bien du tout. Bon, ben, si elle veut me voir, j'irai la voir. Ça ne m'enchante pas spécialement, si vous pensez que ça peut l'aider en quelque chose. À votre avis, vers quelle heure puis-je aller la voir? Ben, écoutez, je viendrai vous chercher à 5h30, et je vous accompagnerai. Elle se nomme Mademoiselle Subat. Le soir même, Marie-Louise Berthollet pénètre sur les pas de la concierge chez la pauvre Mademoiselle Subat. Celle-ci est étendue sur son lit, toute vêtue de noir. Cela accentue la pâleur de son visage. Ses cheveux, qui furent sans doute très bruns, sont gris, et ses yeux entourés de grands cernes. Je vous remercie d'être venu me voir. Je tenais absolument à vous dire combien je regrette. Vous regrettez? Et que regrettez-vous? Je regrette tout le mal que je vous ai fait. Vous m'avez fait du mal, vous? Et pourquoi? Et quand? La dame en noir pousse un grand soupir, mais ne répond pas. Marie-Louise insiste, excusez-moi, mais quel mal m'avez-vous fait? Je ne me suis aperçu de rien. L'autre se décide à parler. Tout d'abord, il faut que vous sachiez que j'habitais l'appartement que vous occupez aujourd'hui. J'ai dû le quitter à cause de vous. Vous êtes certain de ce que vous dites? Quand l'agence m'a proposé cet appartement, ils m'ont bien dit qu'il était entièrement libre depuis au moins 3 mois. La preuve, c'est qu'il avait été refait à neuf. Marie-Louise n'en saura pas plus pour aujourd'hui. De toute évidence, la dame en noir est épuisée. La concierge dit, « Ne vous fatiguez pas, nous allons vous laisser. » Je reviendrai dans une demi-heure et je vous apporterai un bon bouillon et un petit pâté. En revenant dans l'autre bâtiment, la concierge dit « Cette histoire d'appartement est complètement fausse. Elle a été expulsée parce qu'elle ne payait pas le loyer depuis des mois. Rien à voir avec vous. Mais vous savez, cette demoiselle Subat, c'est un drôle de personnage. » À la visite suivante, mademoiselle Subat dit à Marie-Louise « Moi aussi je suis voyante. Je tire les cartes. Vous m'avez volé mes clientes. Alors je vous ai maudit et j'ai maudit vos enfants. Marie-Louise se raidit. Vous avez maudit mes enfants? Mais de quel droit? Que vous ont-ils fait? D'ailleurs, ils ne sont venus me voir que deux fois depuis que j'habite ici. Ils m'ont jeté des sorts. Mais vous êtes folle alliée. Mes enfants, vous jetez des sorts. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? La dame en noir, toujours étendue sur son lit, précise. Oh, rassurez-vous. Je n'ai pas réussi à les atteindre. Pourtant, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Je suis venu chez vous. Vous ne vous souvenez pas? Marie-Louise, encore rouge de colère, éclate. Vous, chez moi, quand? Vous avez gardé la clé? Vous vous êtes introduite chez moi en mon absence? Ah ben ça, alors c'est le bouquet. Et que veniez-vous faire chez moi? Mais non. Pas en votre absence, vous étiez là. Vous ne vous souvenez pas? Marie-Louise a du mal à respirer. Est-ce l'atmosphère de cette chambre mal aérée? Est-ce le relent de médicaments? Mademoiselle Suba poursuit d'une voix un peu éteinte. Vous ne vous souvenez pas, au printemps, la nuit? Marie-Louise se souvient soudain d'une visite étrange. Au printemps? Non, ne me dites pas. La chatte, c'était vous? En posant cette question, Madame Berthollet se remémore en effet un incident étrange. Au mois de mars, elle était seule chez elle en compagnie de Mitsou, la chatte siamoise, et soudain Mitsou s'était dressé sur ses quatre pattes, le poil hérissé et feulant comme une diablesse. Puis elle avait sauté sur le lit et s'était cachée derrière sa maîtresse. Elle ne se comporte jamais ainsi, sauf si elle voit une autre chatte. Elle ne fait ça ni pour un chat, ni pour un chien, aussi gros soit-il. Simplement en présence d'une autre chatte. La jalousie, sans doute. Mais là, il n'y avait pas de chatte visible. Étrange. Le lendemain matin, Marie-Louise avait même raconté cet incident à la concierge. Vous vous rendez compte? Mes fenêtres étaient fermées. Et pourtant, Mitsou voyait une chatte. Elle était terrifiée. Je suis au quatrième étage. Comment un chat pourrait-il arriver chez moi, ne serait-ce que par le rebord de la fenêtre? J'ai ouvert tous mes placards pour voir si une chatte n'était pas cachée à l'intérieur. Le plus bizarre, c'est que l'incident s'était reproduit trois soirs de suite à la même heure, avec Mitsou toujours aussi furieuse et terrifiée devant une chatte fantôme. Marie-Louise avait fini par brûler de l'encens dans son deux pièces. Aujourd'hui, Marie-Louise a un petit frisson rétrospectif en repensant à l'incident qu'elle avait oublié. Mais répondez-moi, la chatte, c'était vous ? Marie-Louise a entendu parler de ces légendes de femmes qui se transforment en chatte, en louve, en chauve-souris. Mais quand même, nous sommes au XXe siècle. Deux jours plus tard, la concierge, Madame Dubard, vient frapper chez Marie-Louise. Vous savez la dame d'en face, Mademoiselle Suba? Eh bien, elle est morte hier. Ah, c'est bien triste. Mais je ne pourrais pas dire que je la regretterai. Le lendemain, nouvelle visite inattendue. Cette fois-ci, c'est une inconnue qui est sur le palier. Mais immédiatement, Marie-Louise lui trouve une ressemblance avec la voisine d'en face. L'autre se présente. Je suis la sœur de Mademoiselle Suba qui vient de mourir. Je vous ai apporté des papiers qu'elle désirait vous remettre. La dame tient entre les mains deux tiroirs de bureau pleins à ras-bord de papiers en vrac. Entrez donc, je vous en prie. Votre sœur désirait me donner des papiers lui appartenant, mais à quel titre? Elle désirait que vous soyez dépositaire d'un héritage, d'une tradition. La sœur de Mademoiselle Suba prend place, et devant une tasse de thé, elle raconte une histoire troublante. Nous étions trois sœurs, Amélie l'aînée, moi Suzanne, et la cadette Aurélie que vous connaissez. Nos parents étaient d'honnêtes bourgeois. Suzanne et moi-même, nous étions de bonnes élèves studieuses et nous ne posions aucun problème. Aurélie, elle est encore à l'âge du béaba. Nous avions très peu de contact avec notre grand-mère maternelle qui vivait seule à Poitiers. Un jour, elle arrive chez nous sans se faire annoncer. Mes parents n'appréciaient guère les visites impromptues, mais nous avions un grand appartement, boulevard Suchet, et donc l'espace suffisant pour la recevoir quelques jours. Notre grand-mère, une femme plus qu'étrange, déclare un soir à mes parents après dîner « Je suis venu pour emmener Aurélie, je l'ai choisie. C'est à elle que je dois transmettre l'héritage. » Héritage ? L'héritage spirituel dont je suis détentrice. Elle a emmené Aurélie, et celle-ci est sortie de notre vie. Je n'ai renoué de contact avec elle qu'il y a quelques mois à peine. Elle vivait déjà en face. Elle m'avait parlé de vous. Elle me disait « Je la hais, mais je ne peux rien contre elle. Elle est plus forte que moi car elle donne de l'amour, et moi je ne peux pas. » Voilà pourquoi je vous remets ces papiers. Faites-en ce que vous voudrez. Une fois la visiteuse repartie, Marie-Louise se met à trier les papiers en question. Elle découvre un rituel de magie intitulé « Les commandements du maître » et toutes les formules qui permettent de se changer en loup, en serpent et en chat. Marie-Louise l'a brûlé le jour même.